Stephen King aime le feu, Stephen King aime les expériences du gouvernement, Stephen King a écrit Charlie, Mark L. Lester l'a adapté et Robert Iskov en a réalisé la suite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis comme d'habitude avec Chris, salut. Salut. Ça va? Bah écoute, je suis chaud bouillant. Oh, c'est joli. Et est-ce que tu penses que Johnny Hallyday aime bien Charlie? Oh bah il doit adorer, c'est... la chanson est un hommage. Voilà, hein. Puis c'est, il aime allumer le feu. Ah, on se refait pas. Hein. Ouais. Voilà. Un chat me juge. Ouais, vaguement, elle doit... On va chercher à comprendre. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui, comme vous l'avez compris, parler de Charlie, le roman qui est sorti en VO le 11 août 1980. Il est sorti en 1984 en France. Son titre original, c'est Firestarter. Et nous allons parler de Firestarter sous l'emprise du feu. Titre original, Firestarter 2, Rekindled. Titre québécois, Firestarter 2, l'oiseau de feu. Qui a été diffusé sur la chaîne Sci-Fi les 10 et 11 mars 2002. C'est un téléfilm en deux parties, en fait. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Nous allons spoiler le livre et cette suite. Mmh. C'est parti ? C'est parti ! Charlie nous raconte l'histoire de Charlie McGee et de son père qui sont en fuite du gouvernement parce que les parents de Charlie, quand ils étaient étudiants, pour gagner de l'argent, ont participé à des expériences gouvernementales qui c'était l'injection d'une sorte de produit étrange. Et ce produit a tué la plupart des gens à qui il a été injecté. C'est ballot. Ouais, c'est pas de chance. Et les autres, ça leur a donné des pouvoirs un peu spéciaux. Donc le pouvoir du père, c'est de contrôler l'esprit des gens, c'est un des plus puissants, c'est de contrôler l'esprit des gens en se concentrant vraiment, mais ça le fatigue énormément d'utiliser son pouvoir. Et la mère, c'est un pouvoir de télékinésie. Comme ils se sont mis en couple et que c'est les seuls à avoir survécu et du coup les seuls à avoir eu un enfant, le gouvernement surveille de près la petite Charlie et effectivement, elle a des pouvoirs elle aussi, mais elle, c'est le niveau au-dessus. Elle, en fait, sans devoir se fatiguer particulièrement, elle peut allumer des feux sur à peu près n'importe quoi et des feux de plus en plus puissants. Pour l'instant, elle ne maîtrise pas son pouvoir, elle le fait sous le coup des émotions, ce qui la rend particulièrement dangereuse. Et donc le gouvernement, et surtout un certain Rainbird, agent secret de ce qu'on appelle la boîte, vont rechercher Charlie et son père à travers tous les États-Unis pour pouvoir faire des expériences et éventuellement transformer la petite Charlie en arme. Alors que le premier endroit où il fallait fouiller, déjà, c'était les chocolateries. Ouais, après, je comprends qu'il galère. Hein. Moi, j'ai toujours eu du mal à trouver Charlie. C'est vrai. Mais souvent, il est planqué dans l'ascenseur de verre. Ah, ça doit être ça, j'avais pas cherché là-bas. Voilà. Après, ça fait du chocolat fondu, du coup, mais c'est sympa aussi. Hein. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a écumé tout. Ouais, je pense que là, on a balancé les vannes pourries. Voilà, c'est bon. Donc, Charlie, c'est le deuxième roman de King publié chez Viking Press après Dead Zone, un changement d'éditeur qui a entraîné une très rapide augmentation des ventes de ses livres et des tirages de ses livres, parce que si on compare au Fléau, c'était 70 000 exemplaires. Dead Zone, c'était 50 000 exemplaires tirés. Charlie, c'est 100 000 exemplaires dès le premier tirage. Et on passera à 150 000 dès le roman suivant, Cujo. Mais attends, puis après, ça va être une avalanche de chiffres au box-office. Enfin, ouais, box-office, là, c'est la période où King, ça passe d'auteur de fantastique horreur à succès à vraiment superstar du genre. Et puis quand on parlera de ça, ça va être la folie. Oui, effectivement. L'écriture de Charlie, ça n'a pas été la plus simple pour King parce qu'il s'est demandé régulièrement au cours de l'écriture s'il n'était pas en train de faire quelque chose de trop proche de Carrie avec deux jeunes filles qui possèdent des très gros pouvoirs et qui les découvrent progressivement, qui sont ostracisées par le reste du monde, pas pour les mêmes raisons, mais tout de même, et qui finissent par semer la destruction autour d'elles grâce à leur pouvoir. Mais finalement, il termine quand même le roman. Les sources d'inspiration qu'il mentionne dans la postface, qui n'est pas dans l'édition française d'ailleurs, visiblement, un peu étonnant, c'est des sources d'inspiration assez ancrées dans leur époque, parce qu'il y avait beaucoup de sources qui commençaient à dire, et ça visiblement c'est plutôt avéré, que la CIA a fait des tests sur des sujets humains sans leur faire part de tous les risques liés aux tests, notamment autour des drogues. La CIA avait fait des trucs. Je sais pas si t'as entendu parler de tout ça. Oh bah tu sais, les tests gouvernementaux, oui, clairement. Donc ça, c'est des choses qui sont avérées, qu'il y a eu de telles expérimentations qui ont pu tourner mal. C'est comme les rumeurs de tests un petit peu étranges faits par les nazis pour la Seconde Guerre mondiale, qui au final, bon, s'avèrent plus vrai qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est tout ce qui est lié aux tests nazis et à ce qu'a fait le docteur Mengele. C'est hallucinant, mais c'est majoritairement vrai. Voilà, même des trucs liés à la démonologie ou un truc comme ça, au paranormal, voilà. Ouais. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Et à l'époque, les Russes aussi, il y avait des rumeurs comme quoi ils faisaient des recherches, comme quoi ils recherchaient des wild talents, donc talents sauvages, entre guillemets. En gros, ils cherchaient des gens dans la population qui auraient des pouvoirs, justement, paranormaux. Ah, mais ils cherchaient des mutants, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ils cherchaient des X-Men. Mais ils n'avaient pas de cérébraux, donc ils n'ont jamais réussi à trop en trouver. Voilà. Donc, ces deux préoccupations qui sont très, très ancrées dans leur époque, et qui font de Charlie un roman très ancré dans son époque, et peut-être un des romans les plus parano de King. Ah oui. Même si, de façon amusante, je trouve que dans l'Institut, qui est récent, il y a des gros relents de ce genre de trucs aussi. Hein. Mmh. Parce que c'est aussi une histoire d'enfants avec des pouvoirs psychiques enlevés par le gouvernement pour servir d'armes. Donc il y a quand même clairement un retour de ces idées-là. Je n'ai pas eu l'Institut, mais oui, clairement, il y a ce message-là, il y a cette méfiance gouvernementale dans Charlie, puis après qui sera présente dans de nombreuses autres œuvres de King. Oui, tout ce qui est armée, expérimentation de l'armée, de manière plus secondaire, mais ça revient souvent. Bah déjà, c'est un peu de là que vient... C'était déjà dans le fléau, d'ailleurs. Bah oui, bah c'est, ouais. C'est de là que vient le souci du fléau, quoi. Ouais. C'est de là que sort la maladie qui bute tout le monde. Et la manière bourrine dont l'armée essaie de contrôler les choses... Ouais, il y a quand même une grosse méfiance autour de tout ça par King. Hein. Mm. Et c'est bien connu, hein, le Covid, c'est l'armée qui l'a créé et qui l'a laissé s'échapper volontairement. Bon bah, je quitte ce podcast. Bonjour à tout notre auditoire complotiste. Au revoir, surtout. Je trouve assez peu d'informations sur l'écriture du roman, sinon probablement parce qu'il a été écrit dans la période où King commençait à beaucoup consommer de drogue et d'alcool, et donc c'est des romans dont il se souvient pas forcément bien. Celui qu'il a fait juste après, Cujo, il dit lui-même n'avoir aucun souvenir de son écriture. Il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le film original, avec Drew Barrymore dans le rôle principal. C'est un film qu'il n'aime pas, mais il est moins prolixe concernant le livre. Et du coup, vous savez que ce qu'on a pensé du premier film Charlie, parce qu'en général, quand King n'aime pas, nous on aime bien. Oui, c'est assez rigolo. Donc bon. Mais enfin, c'est étonnant que King n'aime pas, parce qu'il devait partager à peu près les mêmes substances avec Drew Barrymore. Hein. Oui, et puis surtout le film est ultra fidèle au roman. Oui. Donc bon, c'est pas ton roman en fait. Le roman est dédié à Shirley Jackson, qui est une autrice notamment du roman horrifique Maison Hantée, dont est adapté d'assez loin The Haunting of Hill House, et qui est un roman dont King parle beaucoup dans le titre original, c'est Danse Macabre, nous c'est Anatomie de l'Horreur. Du coup, est-ce que tu penses que c'est pour ça que Mike Flanagan en a fait une série télé sur Netflix? Je sais pas, mais la coïncidence est quand même vraiment rigolote. Ça dit que son idole était fan, donc hop. C'est un roman que j'ai trouvé parfois dans les tops de King, qui a l'air d'être vraiment apprécié par certaines personnes, mais beaucoup de critiques aussi disent que c'est du King plutôt académique. Pas mauvais, hein, loin de là, quoique il y en a qui le mettent en queue de classement dans les classements des romans de King. Mais beaucoup disent, voilà, c'est pas particulièrement mémorable, il se passe pas grand chose, c'est long pour pas beaucoup d'événements, et c'est surtout très prévisible pour du Stephen King. Et on va voir tout de suite si nous sommes d'accord avec ça. Je te laisse commencer. Déjà, j'aimerais savoir si ces gens-là ont lu Le Fléau ou Dr. Sleep. Déjà. Alors, Dr. Sleep, on va quand même être honnête, je l'ai jamais vu dans des têtes de classement non plus. Hein. Même s'il n'est pas particulièrement critiqué négativement. Le fléau, par contre, ça peut arriver. Hein, le fléau, par contre, souvent même. Qu'il soit bien classé. Hein, ouais. Alors que, niveau longueur, je pense que tu fais difficilement pire. Ouais, mais je pense qu'ils disent qu'il se passe plus de choses dans le fléau. Alors, remettons les choses dans son contexte. Moi, je n'avais jamais lu Charlie. Ça faisait depuis un petit moment que toi, tu me disais que c'était un roman que t'aimais beaucoup. Ouais. J'avais pas vu le film non plus. Le film, on va pas l'évoquer ici, puisqu'on traite de la suite. Et le roman, j'ai été agréablement surpris, parce que c'est un roman que j'ai plutôt bouffé assez rapidement. C'est bien écrit, c'est bien construit, les personnages sont attachants. Quand ils sont pas attachants, c'est-à-dire comme cet enfoiré de Rainbird, par exemple, il n'est pas attachant, mais il est suffisamment bien écrit pour que tu comprennes ses motivations, c'est pas d'accord avec lui, mais au moins tu sais son rôle dans l'histoire, tu comprends pourquoi il est là et tu comprends pourquoi il agit. Ouais, c'est un très très bon antagoniste, Rainbird. Et c'est pareil pour Cap, d'ailleurs aussi, qui est un autre antagoniste du roman. En fait, c'est simple, les personnages qui sont peut-être le moins bien écrits, c'est les scientifiques. Dans le cas, qui sont un petit peu tous comme. Ils ont tous la structure du savant fou de base, quoi. Oui, c'est ça. Bah, après, ils sont quand même pas mal plus secondaires au final. Voilà. Mais justement, c'est l'un des points que j'avais évoqué, parce que King, en général, aime beaucoup tisser de nombreux personnages dans ses œuvres. C'est très souvent qu'il y a beaucoup de personnages très développés dans les romans de King. Alors que là, il y en a très peu qui sont très développés. T'as Andy, t'as Charlie, forcément, Rainbird et Cap. Oui. Et tous les autres, en fait, c'est juste des personnages qui survolent le récit, parce que des fois, ils vont être présents que pendant une première partie pour ensuite disparaître, comme le premier scientifique, qui lui disparaît au bout d'un moment. Ouais. J'ai oublié son nom, celui qui fait les premiers tests sur Andy, j'ai oublié son nom, sa femme. Je sais plus non plus le nom de sa femme. Donc, la mère de Charlie, qui au bout d'un moment se fait tuer par Rainbird, et donc du coup on n'en entend plus parler. Et c'est le cas pour beaucoup de personnages, en fait. T'as beaucoup de personnages, typiquement les deux fermiers qui aident Charlie, que tu vois pendant un moment, et ensuite à la fin du roman, t'as énormément de personnages qui survolent le roman, qui agissent comme des satellites autour des personnages principaux, et qui agissent comme des satellites pour renforcer, en fait, les personnages principaux. Ils apportent vraiment quelque chose et ils les font grandir. Ouais. Et au final, c'est en fait tout le récit orienté autour de ça, de Charlie qui grandit. C'est ça. Mais même les autres personnages évoluent. Oui. Et en fait, c'est assez rare quand tu analyses vraiment la bibliographie de King, qui vraiment, en général, bourre ses personnages à ras-bord, bourre ses romans à ras-bord de personnages surdéveloppés, alors que des fois, ça n'a pas grand intérêt. Oui. Et des fois, ça se transforme, pour certains personnages, plus en défaut qu'en véritable force. Parce que t'as des personnages, des fois, tu te dis, à quoi ça a servi de le développer, il sert à rien. Bah, c'était le souci du fléau, d'ailleurs, pour pas mal de persos. C'était le souci du fléau, et c'était aussi un des gros soucis, on l'avait évoqué dans Dreamcatcher. Oui. Pour parler de romans récents. Et dans les Tominokers aussi. Les Tominokers, lui, quand on va l'évoquer, lui, il va s'en prendre plein la gueule, les Tominokers. Alors lui, je l'ai lu, alors j'ai pas vu le film. Tominoker, enfin la série, parce que c'est une série terrible. Oui, mais c'est en 2-3 épisodes. Voilà. Mais le roman, j'ai pas envie de le relire. Et pourtant, je vais le faire. Hein. Mm. On va attendre que le chat fasse ses griffes. Non, c'est bon, elle le fait pas. Saloperie. Elle nous a feinté, là. Voilà, les personnages sont vraiment bien développés. Ils sont chouettes. Et la mythologie qui est mise en place avec le labo, tout ça, c'est super intéressant, en fait. Vraiment, tout ce qui se passe dans Charlie est intéressant. À aucun moment, je vois une quelconque longueur dans le roman. Mm. Je ne comprends pas d'où vient cette critique. Je crois que la critique vient du fait que si on prend les événements essentiels de Charlie, effectivement, en fait, il n'y en a pas des masses, en fait. Ça fonctionne. Il est construit dans la première partie plutôt comme un road movie avec Charlie et son père Andy qui sont obligés de fuir. Et donc, il y a quoi comme événement ? Il y a la scène de l'aéroport. Ensuite, il y a quand ils arrivent chez les fermiers. Ouais, avec la scène du motel au début. Ouais. C'est juste après l'aéroport. Ouais, aussi. Les fermiers, ensuite, ils arrivent dans la maison du grand-père. Ouais. Et leur capture vient peu de temps après ça. Et après, c'est tout le temps où Charlie et Andy sont captifs. Où Andy, lui, il est... Il est sous médoc. Il est sous médoc et donc il devient très en retrait dans cette partie. Jusqu'à ce qu'il arrive à s'en sortir. Ah, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce qu'il est très en retrait en termes de faire avancer l'histoire. Oui. Voilà, oui, en termes oui, de faire avancer l'histoire. Il est fort présent, mais il n'a pas de force d'action dans c'est cette ça. Partie. Tandis que Charlie, elle, va... Il y a toute la relation avec Rainbird qui se développe lentement, où il arrive à la convaincre de, d'utiliser ses pouvoirs face aux scientifiques pour avoir quelque chose en échange. Mmh. Et après, il y a tout le final. Je pense que c'est le fait qu'il se passe... Peut-être les grands événements sont peu nombreux, mais ouais, je les trouve super bien développés. Et oui, pour moi, c'est les personnages qui sont principaux, qui sont au centre de cette histoire. Principalement Charlie, que je trouve vraiment super bien écrite et vraiment adorable. Elle fait vraiment totalement petite fille, en fait. Avec Dany, je pense, peut-être, c'est peut-être la petite fille la plus... la moins mature et peut-être la plus crédible, en fait, qu'ait fait King. Parce que vraiment, bah, c'est une petite fille qui veut revoir son père, qui aime bien les chevaux, et qui se retrouve entraînée dans quelque chose qu'elle... qui la dépasse totalement et qui elle va devoir arriver à une maturité énorme pour son âge au fur et à mesure, mais au début elle l'a pas, et quand elle utilise ses pouvoirs, c'est parce qu'elle s'énerve et elle s'en veut à chaque fois. Donc ouais, c'est un roman que j'aime beaucoup. L'exploration, la découverte des pouvoirs, je la trouve très intéressante. Est-ce que ça va crescendo? Ouais. Même la découverte des pouvoirs pendant le test, Andy et sa compagne, là où en fait... il se rend compte qu'elle lui parle sans bouger les lèvres. Ouais. Et tu comprends que bah, du coup, elle devient télépathe. Et pareil pour lui, en fait, qu'il a des pouvoirs de persuasion chez les gens. C'est marrant. C'est marrant la découverte de leurs pouvoirs aussi. Parce que oui, on voit un petit peu du coup leur quotidien quand la boîte, les amis... Alors la boîte, c'est le nom du labo de ce groupuscule gouvernemental. Hein. Ouais. C'est pas un nom qu'on a sorti comme ça. Dans le film, je crois que c'est le labo. Non, The Shop, ils appellent ça. Ouais. Mais coup, je crois que c'est The Shop en VO voilà, dans les deux cas. C'était ma question, est-ce que c'est The Shop, dans le roman. Tout ça, c'est intéressant aussi, le passage où ils vivent vraiment en couple, en fait, et où ils essayent de faire comprendre à Charlie qu'elle doit maîtriser son pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui peut être dangereux, forcément. Tout ça, c'est très intéressant, ce lien familial qui est créé. Un pouvoir qu'elle va utiliser, avec lequel elle va blesser sa mère, à un moment d'ailleurs. C'est, elle pique une colère de gosse, et elle déclenche son pouvoir involontairement. C'est ça. C'est pour ça que son père essaie de lui faire des entraînements pour qu'elle apprenne à le maîtriser. Et d'ailleurs, c'est là, dans les motivations des méchants, Cap, c'est sa motivation principale, en fait. Lui, il a peur de Charlie, contrairement à Rainbird. Contrairement à... Oui. Rainbird, lui, il est vraiment... comment dire... C'est très... Son but, c'est de la tuer. Tout simplement, donc du coup, parce que son but, en fait, à lui, c'est... Enfin, son but, son kink, on va dire, c'est de voir la vie s'échapper des yeux de ses victimes. Sauf que, bah, il l'a jamais fait à quelqu'un d'aussi puissant qui se rapproche d'un dieu, parce que c'est comme ça qu'il la voit, en fait. Oui, il la voit comme... C'est vraiment comme une entité divine, et surtout, il l'a jamais fait à un enfant non plus. Il y a quand même un gros sous-entendu comme quoi, rien que le fait que ce soit un enfant, ça l'émoustille un peu, mais... pas d'ordre sexuel, ça aussi, le roman est très clair avec ça. Parce qu'il y a un moment, en fait, il dit à Cap qu'il va être intime avec elle, et donc Cap se dit, mais c'est dégueulasse, Cap, il est méfiant, Tu vois, il dit, mais c'est dégueulasse, on fait pas ça ici. Et Rainbird lui dit direct, non, pas comme ça. Voilà, au moins King est clair. Mais en fait, ça en fait un personnage très malsain, mais pas trop malsain. C'est ça. Il est vraiment bien géré. Parce qu'en fait, oui, son grand kiff, c'est juste de voir les gens, enfin, de voir la vie quitter les gens, quoi. Et sauf que bah, il l'a jamais fait à une gamine, d'autant plus une gamine qui a les pouvoirs d'un dieu, quoi. Parce que véritablement, elle a les pouvoirs d'un dieu. Ah oui, c'est là, les enfants à pouvoir chez King, on l'a dit, il y en a beaucoup. Charlie, c'est la plus badass. Bah, c'est à l'échelle de Marvel, c'est Captain Marvel, quoi. C'est, oui. Elle les écrase tous. C'est ça. Elle peut vraiment, bah, à la fin du roman, elle détruit littéralement la boîte et elle tue quasiment tout le monde là-bas grâce à ses pouvoirs. C'est d'ailleurs l'avertissement du scientifique qui se fait tuer par Rainbird. Oui. En fait, il se fait tuer par Rainbird pour que bah, le scientifique ferme sa gueule, pour pas que ça s'ébruite, c'est Cap qui lui donne l'ordre. Et en fait, l'avertissement, c'est justement de laisser la gamine tranquille, quoi. Parce qu'il faut pas l'agiter, parce que lui a conscience de l'horreur, entre guillemets, qu'il a créée, quoi. Oui, qu'elle peut limite détruire la Terre. C'est ce qu'il dit. Il dit que selon lui, elle pourrait briser la Terre en deux, quoi. Et pas de manière métaphorique. Donc, ouais, bah, y a tout ce message sur la terreur de pouvoir immense dans une gamine, au début, bien trop jeune. Et même son père, dans une certaine mesure, on sait qu'il se méfie d'elle, en fait. Il se méfie de ses pouvoirs. Elle fait peur même aux gens qui l'apprécient. Bah, justement, la scène avec les fermiers, quand elle va déjà déchaîné un Armageddon sur les mecs du gouvernement qui arrivent pour les arrêter, on sent bien que les fermiers, bah là, ils sont pas rassurés, quoi. Oui, bah la femme la traite de monstre, oui. Parce que ça sort un petit peu... non, ça sort automatiquement, quoi. Oui, même s'ils vont l'aider de nouveau par la suite. Mais même après, par la suite, quand ils l'abritent, il y a un moment où Charlie entend une conversation et ils disent que quand même, oui, ils l'aiment, ils veulent tout faire pour l'aider, mais ils ont conscience que ça peut être dangereux pour eux aussi. Ouais, ce qui l'isole totalement, voilà. Charlie. Et bah du coup, après, Charlie, elle-même prend conscience... parce que clairement, elle le prend pas à mal. C'est juste qu'elle prend conscience que oui, c'est normal que les gens aient peur d'elle. Et donc, mieux vaut s'isoler et faire route à part, quoi. Mm. Plutôt que d'amener le malheur sur les gens que t'apprécies. Ouais, et puis, ouais, j'aime bien cette structure en deux parties du roman. En fait, il est construit de manière assez atypique quand on y réfléchit. La fuite, puis toute la prison, c'est chacun la moitié à peu près du livre. Ouais. Et c'est pas typique comme structure, mais ça passe vraiment bien. Là. Ça, les deux parties vont développer des thématiques et des ambiances différentes. Avec beaucoup d'ellipses hein, dans la partie quand ils sont captifs par le laboratoire. Oui, parce que c'est sous-entendu que ça dure longtemps. Hein. Ouais. Que Rainburn, notamment, met longtemps à acquérir la confiance de Charlie. Ouais, ben, ça facilement une petite année, je pense. Mm. Si tu regardes un petit peu toutes les fois, il y a des ellipses. Alors que toute la première partie... Le passage où ils sont de l'aéroport jusqu'à ce qu'ils se font capturer, c'est quelques mois seulement, quoi. C'est bon. Oui. Et encore, c'est parce qu'il y a une relativement grosse ellipse quand ils sont chez les grands-parents. Voilà, enfin, parce que là, quand ils sont à l'aéroport et au moment où ils arrivent chez les grands-parents, c'est un ou deux jours. Hein. Ouais. C'est vraiment très rapide, ce passage-là. Ouais, ils ont vraiment le gouvernement au cul. Ah, ils ont aucun répit, quoi. Mm. Donc ouais, c'est un roman... Effectivement, c'est des thématiques plutôt classiques de King, ouais. les pouvoirs, le gouvernement manipulateur, un méchant fasciné par la mort, c'est un truc qu'on a pu voir aussi d'autres fois. Et aussi, mine de rien, la drogue, parce que t'as tout le passage où Andy est sous drogue et il essaye de s'en débarrasser. Et est-ce que ça serait pas, tu vois, en sous-texte, ce que King ressentirait ou pouvait ressentir à ce moment-là? Ouais, de lui qui était sous l'emprise des drogues. Surtout de l'alcool à l'époque, je sais pas s'il avait déjà commencé les drogues de manière dure. Mais oui, je pense que ouais, c'est aussi effectivement un meilleur roman sur l'emprise que ne l'était Doctor Sleep. Parce qu'il dit, qu'il se souvient pas de l'écriture, donc est-ce que c'est quelque chose qu'inconsciemment il aurait écrit? Ouais, voilà. c'est fort possible. Hein. Sans en avoir conscience, voilà, c'est lui, King en tant qu'auteur. Qui s'envoie un message directement via son écrit de arrête de déconner garçon quoi. Ouais, peut-être, c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais c'est fort possible. Parce que c'est vraiment à partir du moment où Andy prend conscience de ça que ça y est. Ouais, qu'il commence à réussir à en sortir. Il commence à en sortir, il commence à monter un plan. Il se souvient surtout à quel point il tient à sa fille, parce que c'est aussi beaucoup un roman. C'est quand même un roman très familial et très sur l'amour. Entre un père et une fille quoi. Ouais. Alors je sais pas si du coup King avait déjà eu sa fille à ce moment-là, il me semble pas. Parce que c'est un roman qui arrive assez tôt dans sa carrière, Charlie. Je peux vérifier les dates. Parce que Charlie, il me semble que c'est le sixième ou le septième roman de sa carrière. Donc c'est quand même assez tôt. Oui, Naomi King, c'est l'aîné. Et en fait, il avait déjà ses trois enfants à l'époque. Joe Hill et Owen King étaient déjà nés aussi. Ah oui, mais donc ce serait la première fois qu'il aurait eu une fille. Du coup, c'est en 70. Sa première enfant, c'était une fille, en tout cas. Oui, d'accord. Mais... Ouais. Donc voilà. Ça peut, il peut peut-être y avoir un lien de, parce que pour le coup dans Carrie qui mettait aussi en avant une héroïne, bon dans Carrie c'est quand même une adolescente début d'âge adulte. Oui. Alors que là c'est vraiment une petite fille. Oui et bah pour le coup par contre ça correspond à l'âge que devait avoir Naomi King à l'époque de l'écriture parce qu'elle est née en 1970, le roman est sorti en 80 donc elle devait l'écrire en 78. Une dizaine d'années quoi. Donc elle avait 8-9 ans, ce qui est l'âge de Charlie. C'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'au final, ce que beaucoup reprochent, parce que beaucoup de reproches envers Charlie, c'est que bah, c'est pas un King ordinaire, c'est pas ce que l'auteur nous a habitué, est-ce qu'au final ça serait pas un roman très personnel? Oui, si, je pense. Après, ouais, en fait, c'est paradoxal parce que à la fois, c'est différent de ce qu'il avait fait avant et il y en a beaucoup qui disent qu'en même temps, il est jamais surprenant alors que moi, il arrive à me surprendre par ses personnages, en fait. Parce qu'en fait, je comprends. Comment dire? En fait, c'est un reproche qu'on a l'habitude d'entendre, mais pas que pour King. Des gens qui disent « Oui, c'est pas un vrai ça, c'est pas un vrai truc. » Tu vois, comment dire? Typiquement, on va faire une parenthèse jeux vidéo. Resident Evil 8 est sorti, là. Il faut se souvenir, à l'époque de Resident Evil 4, beaucoup disaient « Bah, c'est un bon jeu, mais c'est pas un vrai Resident Evil. » C'est quand ça a commencé à s'orienter plus action, ouais, c'est voilà. Ça. Mais qui sommes-nous, nous, les gens qui jouons à ces jeux, lisons ces livres, regardons ces films, qui sommes-nous, nous, pour dire ce n'est pas un jeu, un livre, un roman oui. de cet auteur-là, de cette série-là. On n'est personne pour le dire, en fait. Seul l'auteur lui-même est à même, en fait, de faire ce qu'il a envie de faire. Oui, bah à la limite, on peut le dire quand il y a un gros changement d'équipe, pour changer toute l'équipe, où on se dit que la nouvelle équipe trahit l'ancienne. Ça, oui, voilà, je veux bien à la limite, mais quand le créateur est là, oui. voilà, c'est... Seul lui est encore capable quand même de définir ce qui est son style ou ce qui ne l'est pas, ou alors d'apporter autre chose à son style. Et puis en l'occurrence, bah, les premiers romans de King sont très différents les uns les autres, quoi. Oui, bah, il a installé un style petit à petit, mais ouais, les premiers... Il y a... Tiens, entre Carrie et Charlie, on a eu Le Fléau, qui avait rien à voir. On a eu bah, Cimetière. Ouais. Non, c'est après, Cimetière. Non, Cimetière, c'est après. On a eu quoi d'autre Dead Zone. Dead Zone, contre... qui pareil, n'avait rien à voir. Dead Salem, Zone. Aussi. Salem, voilà. On a eu déjà, en six romans, on a eu une avalanche de styles ouais. très différents. Donc je vois pas pourquoi cette critique-là est aussi récurrente. Bah, c'est là aussi où il installe définitivement qu'il n'est pas un auteur d'horreur. Quoi. C'est, oui, en plus. À la limite, Dead Zone, ça avait déjà bien entamé le travail, ouais. mais Charlie, il n'y a vraiment rien d'horrifique au final. Bah, ouais, même Carrie au final. Hein. Oui, mais Carrie, il a été étiqueté horreur à cause de toute la fin. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Mais c'est une étiquette que King se porte, que lui-même dit qu'il n'a pas fait tant de romans purement horrifiques bah non, que ça. Clairement pas. Il y a des auteurs qui en ont fait bien plus que lui. Hein. Rien que Barker, oui. typiquement, mais même... En France, Brussolo. Brussolo, même Dean Koontz, au final, il a fait plus d'horreur que King, j'ai l'impression. Donc c'est très marrant, en fait, cette étiquette que King a eue. Alors, est-ce qu'on lui a collé cette étiquette parce que c'est peut-être l'auteur de fantastique horrifique qui a mis le genre vraiment en avant, à une époque où le genre horrifique était un petit peu balayé du pied ou rangé sous le tapis dans les... tu vois, dans le monde de l'édition. C'est peut-être ça. Bah, et puis je pense qu'il y a le fait que il a ses trois premiers romans, si on les résume, donne l'impression d'être centré horreur. C'est-à-dire, le premier, c'est... Des pouvoirs fantastiques, le deuxième c'est les vampires, le troisième c'est un hôtel hanté. Je pense qu'il y a ça qu'à jouer, mais c'est vrai que même Shining, oui, est horrifique, mais pas tant que ça c'est non plus. C'est pas le fond, quoi. Ouais. Tu vois. Alors que les vrais romans horrifiques de King, c'est plutôt bah, Cimetière, ça... Et encore, même Cimetière, il y a beaucoup d'autres trucs. Ça, oui, clairement. Ça, clairement, c'est horrifique. Même un roman qui, moi, me terrorise, et qu'on abordera un jour parce qu'il a été adapté, Sac d'os. Ouais. Bah, c'est horrifique, mais c'est pas que ça, et c'est ouais, loin d'être que ça. Ouais, il y a un gros aspect dramatique hein, ah, oui, dans Sac d'os. C'est loin d'être que ça, et pourtant, c'est un roman qui a des moments ultra terrifiants. Quoi. Donc non, King, c'est... Oui, c'est du fantastique horrifique, mais c'est pas que ça. Et ça, il serait peut-être temps que, après tant d'années, les gens s'en rendent compte, quand même, quoi. Ouais, effectivement, mais bah, du coup, voilà, Charlie, pour moi, c'est vraiment du haut niveau de King. C'est un très bon roman qu'on vous conseille si vous ne l'avez pas lu. Oui, clairement. Et puis, pour le coup, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas tant à dire que c'est un très bon King, c'est un très bon roman tout court. Oui, en fait. Aussi, oui. Clairement. Hein. Et ça peut être lu même par des gens qui n'ont pas l'habitude de lire de l'horreur ou quoi que ce soit, ou du fantastique, parce qu'il y a très peu de moments glauques ou qui pourraient être poussants. Ouais. Voilà. Alors, faudrait que je revérifie, je suis pas sûr, mais c'est pas impossible que mon édition de Charlie me vienne de ma mère, d'ailleurs, qui est plutôt totalement... rétive aux livres gore et compagnie général. Qui aurait plutôt des goûts terre-à-terre. Ouais. Mais c'est possible que celui-là me vienne d'elle, donc ça montre que c'est un King très soft, et très en fait il y a un aspect fantastique, mais il est au service de beaucoup plus, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'adapteur, enfin à la suite. Oui, bah, je pense qu'on peut passer à la suite, maintenant qu'on a dit tout le bien qu'on pensait ouais. Du roman. C'est parti, ça va peut-être être un peu moins positif, bizarrement. Miniseries coming to television? You're getting warmer. Warmer. Really hot. Sci-Fi Starter Rekindled, a sci-fi original miniseries event based on the novel Firestarter by Stephen King. Premiere Sunday, March 10th at 9 p.m. Only. Alors, cette merde. Ce téléfilm se passe une vingtaine d'années après, enfin un peu moins, une quinzaine d'années après Charlie. Suite à la fin du roman, elle a vécu plus ou moins isolée, on sait pas trop comment. Enfin, elle a vécu discrètement en tout cas. La tentative qu'elle a fait à la fin du roman pour amener dans la presse et ce qui lui est arrivé a visiblement totalement échoué. La presse n'a pas relayé ou alors ça n'a pas été cru. Ça permet de se débarrasser facilement de la fin du roman. Et donc, Charlie, une fois adulte, continue sa vie. Elle a toujours des problèmes avec le déclenchement de ses pouvoirs. Là, c'est plutôt quand elle est excitée sexuellement que ses pouvoirs ont tendance à se déclencher de manière aléatoire. C'est très bizarre, hein. Ouais. Moi, je me suis dit que c'était ça, avoir le feu au cul. D'accord. Voilà. Effectivement. Je m'ennuyais, me jugez pas. Et pendant ce temps, la boîte et Rainbird, qui a survécu, youpi, continuent leurs expérimentations, ont fait plusieurs générations d'enfants mutants, et là il a une génération particulièrement efficace où chaque gosse a un pouvoir particulier, du coup ça m'a beaucoup fait penser à l'Institut de King, parce que c'est ça dans l'Institut. En bref, vu que j'ai pas lu l'Institut, ouais. Ça m'a fait penser aux X-Men. Aussi, oui. X-Men démoniaque. C'est ça. Et Rainbird est resté obsédé par Charlie, qui est un peu la proie qu'il a manqué à l'époque, et continue à la rechercher, et là, chacun la recherche pour une raison différente, lui pour la transformer en déesse, je crois, j'ai pas tout compris. Ouais, on en parlera. C'est compliqué. Et les autres pour la tuer, c'est la fuite de Charlie qui est retrouvée par un mec qui est manipulé par le gouvernement pour retrouver... toutes les personnes sur qui il y a eu des expérimentations et qui ont survécu, pour cela il y en a qui ont survécu. Voilà, bon, le résumé est un peu confus, mais le téléfilm est aussi un peu confus. Hein. Alors, téléfilm, voilà. C'est plutôt 4 épisodes qui ont été collés l'un à l'autre. Ça a été diffusé en 2 épisodes. Ah bon ? Ouais. Ah d'accord, parce que pourtant j'ai l'impression qu'on voit bien les césures au bout de 41 minutes à chaque fois. Alors c'est possible qu'on les voit, mais apparemment, enfin ça a été diffusé en 2 soirées après, ils ont peut-être fait 2 épisodes par soir, hein. D'accord. C'est possible. Bon, c'est produit par Sci-Fi, une chaîne dont on a déjà parlé, dont on a déjà dit qu'elle était capable du meilleur comme du pire. Ouais. Le projet initial, c'était que les 2 épisodes, ou les 4 épisodes, servent de pilote à une série centrée sur Charlie, un peu comme le faisait la même année d'ailleurs, c'est rigolo, NBC avec Carrie, ça date de la même année, le Carrie téléfilm. Mais spoiler, c'est plus réussi. C'est, oui. Mais c'est un projet qui sera abandonné suite aux mauvais résultats d'audience. Je suppose que l'idée, c'était de faire quelque chose de similaire à Carrie, en fait, une sorte de procédural où Charlie serait allé d'endroit en endroit pour utiliser ses pouvoirs pour aider les gens en étant poursuivi par le gouvernement. Et là, du coup, ça explique qu'il y ait eu le choix de prendre une héroïne adulte, parce que faire une série avec une gamine de 8 ans en personnage principal, une série à effets spéciaux et compagnie, c'est pas facile. À effet quoi ? T'as vu beaucoup d'effets spéciaux, toi, dans... Ah ils sont spéciaux, tu peux partir avec, c'est spécial. Ah oui. C'est horrible, oui. Donc, on va passer un peu à l'équipe, parce que je vais être honnête, sur la production, je n'ai quasiment rien sur ce truc-là, tout le monde s'en fout, je crois. Ouais, comme très souvent, quand c'est des séries ou des... D'ailleurs, même nous, on enregistre un podcast dessus, mais spoiler, on s'en fout un peu. Hein. Le réalisateur, il est d'origine canadienne, il s'appelle Robert Iskov, il a presque uniquement travaillé à la télévision depuis le milieu des années 70, régulièrement sur les projets musicaux en début de carrière, parce qu'il est aussi chorégraphe, puis plutôt sur des thrillers. Parmi ses rares incursions au cinéma, le seul titre qui me disait quelque chose, c'est un film appelé « Elle est trop bien », c'est un truc pour ado chroniqué sur Nanarland. Le scénariste, c'est Philippe Eisner, qui est l'auteur du script d'Event Horizon de Paul W.S. Anderson, que je n'ai pas vu. Oh la vache ! Ah oui ! C'est bien ou pas ? C'est le moins pire des Anderson. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'aime plutôt bien Alien vs Predator, moi. Ah d'accord. Le premier, il est sympa. Ouais. Il est longué, mais les combats d'Alien et Predator sont sympas, je trouve. Bah encore heureux, en même temps, c'est pour ça que t'es venu. Bah oui, mais du coup, il réussit enfin, c'est pas le sujet, mais il réussit la trait principale de son film. Oui, bon, du coup. C'est vrai que même Kong versus Godzilla arrive pas à faire la trait principale de son film. Bah, et quand il fait Resident Evil, il rate les zombies aussi, donc. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux, ça, oui, j'avais oublié. On va remettre à la bonne échelle aussi. J'ai toujours pas vu Monster Hunter, ça me fait peur. Ah oui, effectivement, il me tente aussi en plus pour rigoler. Et c'est aussi le scénariste d'un truc appelé The Mutant Chronicles que je n'ai pas vu, mais je crois qu'il y a John Malkovich dedans. Mutant Chronicle, ça me dit rien. Bon, voilà. Et en fait, il a pas été très actif. Il est surtout enseignant de technique du scénario à l'UCLA, je crois. Mais il a aussi scénarisé un comic qui s'appelait Bad Guys. Là, je me suis dit que peut-être il y avait une petite chance que tu connaisses. Bad Guys. Ouais. Non, ça me dit rien. Bon, ça, apparemment, c'est pas méga connu. Hein, voilà. Donc, ça me surprend pas plus que ça. Dans le rôle de Charlie, on a l'actrice canadienne Marguerite Moreau, dont la carrière s'est principalement faite à la télévision, même si elle a joué la même année que ce Firestarter, elle a joué dans La Reine des Damnés, que je n'ai pas vu, mais c'est un film qui potentiellement peut m'intéresser. La Reine des... ça me dit quelque chose. Un film de vampire. C'est pas avec... La chanteuse... Oui, qui est décédée quelques mois après le tournage oui, du film. Oui, c'est ça. Oui, je ne l'ai pas vu, mais je vois... L'affiche est très jolie. Oui. Je vois très bien l'affiche du film, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est adapté d'un roman de l'autrice d'Entretien avec un vampire. D'accord, Anne Rice. Alia, oui, l'actrice. Alia, ouais. Sinon, à la télévision, alors moi, je ne connais pas grand-chose, forcément. Il y a des téléfilms et des séries, mais elle a eu des rôles secondaires, par exemple, dans Shameless et Grey's Anatomy. Shameless a une très très bonne réputation. Ouais, moi, ça ne me tente pas du tout. Apparemment, c'est très dramatique, comédie dramatique, ça a très bonne réputation. Ouais, je sais pas, ça me tente absolument pas, moi, comme série. Et, alors, anecdote rigolote, elle a un petit rôle dans le Chihuahua de Beverly Hills, dans lequel Drew Barrymore fait une voix. Donc les deux Charlie ont participé à un film ensemble. C'est marrant, ça. Du coup, Drew Barrymore fait la voix d'un Chihuahua. Je crois qu'elle fait la voix du Chihuahua principal. Hein. Ah. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu, mais... C'est quand même triste comme carrière, ça. Oh non, enfin c'est un truc triste dans sa carrière, mais passé sa période enfantine très difficile où elle était maxi-droguée, maxi-alcoolique, elle a eu plutôt une belle carrière, hein, Drew Barrymore. Charlie, c'est son deuxième rôle. Non, je crois que c'est un peu après, c'est après E.T. Ah, il me semble que E.T. est sorti avant Charlie. Ouais, bah justement... Ah mais du coup, oui, le tournage, je sais pas... Ah, je sais plus. Faudrait regarder, mais... Enfin, de ce que j'avais lu de sa biographie, Charlie, c'était la période où elle commençait à avoir des gros problèmes, hein. Au niveau tout ce qui était addiction. Mais bon. D'accord. Elle s'en est plutôt bien sortie comparé à d'autres enfants stars. Mm. Et elle a réalisé le très chouette Bliss avec Elliot Page. Oui. Son comparse masculin est joué par Danny Nucci, qui a eu une carrière un peu similaire à celle de Marguerite Moreau, donc pas mal de rôles à la télévision, dans les télés et téléfilms. Le seul gros rôle que j'ai trouvé, alors mes recherches ont été assez rapides, c'est dans une série qui s'appelle The Fosters. Et par contre, il apparaît dans des seconds rôles dans des films comme Titanic, The Rock ou USS Alabama. D'accord. Bah, des bons films, du coup. Ouais, moi j'aime pas Titanic, mais bon, oui, sinon oui. Il y a deux noms un peu prestigieux au casting. Le premier, c'est Malcolm McDowell, qui joue Rainburn ici. C'est un acteur dont le rôle le plus emblématique, c'est celui d'Alex dans Orange Mécanique, qui est aussi, je crois, son premier rôle. Mais il a aussi joué H.G. Wells, par exemple, dans un film appelé C'était Demain. Caligula dans le film de Tinto Brass. Il a joué dans Chaude Journée à L.A. de Robert Downey Sr., donc le père de Robert Downey Jr., dont j'ai vu des extraits et qui a l'air assez rigolo comme film. Et dans les deux Halloween de Rob Zombie, c'est lui qui joue le Dr. Loomis, et dans Les Visiteurs en Amérique, où il joue le vieux mage. Ah, super! Non, mais c'est un film, hein. On va parler de l'autre acteur, là, de... Mmh. Et tant qu'on est dans les réalisateurs internationaux, il a joué aussi dans un film appelé Mr. Magoo de Stanley Tong. Alors, je l'ai pas vu, mais c'est le réalisateur de Police Story 3 et 4, dans Super Cop 2 avec Michel Yeoh. Ah, oui, c'est oui. Celui où Jackie Chan fait un caméo aussi. Un caméo où il se déguise en femme. Ouais, c'est ça. C'était la mode à l'époque. Il est extraordinaire ce caméo. Oui, et il a aussi réalisé Jackie Chan dans le Bronx, donc c'est plutôt un bon réalisateur en fait. Hein. J'adore ce film. Jackie Chan dans le Bronx, il est génial. J'adore ce film. Et il a joué aussi dans Star Trek Generations, que t'as peut-être vu, non ? Mais oui, bah, j'ai vu tous les films Star Trek. Ouais. Et qui est réalisé par David Carson, donc le réalisateur du téléfilm Carrie. Tout est lié. Bon, alors après, malgré quelques rôles emblématiques et des rôles qu'on a retenus, qu'on a cités, là, bon, faut admettre qu'il n'a pas une carrière particulièrement brillante, et donc ça n'étonne pas de le voir cachetonner dans un truc comme ça, en fait. Et c'est exactement la même chose que pour l'acteur qu'on va parler après, c'est les deux sont capables de jouer dans des bons films et dans les pires merdes tout après, quoi. Dennis Hopper, donc, qui joue James Richardson, ça a été un acteur et réalisateur assez emblématique du Nouvel Hollywood, parce qu'en fait, il a fait le film qui est considéré souvent comme le démarrage du Nouvel Hollywood, Easy Rider, bon, qui est un excellent film qu'on vous conseille. Ouais, clairement. Dans lequel il joue aussi, il joue un des rôles principaux en plus de le réaliser. Personnellement, j'aime aussi plutôt bien Hotspot, qu'il a réalisé. Que je n'ai pas vu. Avec Jennifer Connelly. Mmh. Je vois très bien, mais je ne l'ai pas vu. Et en tant qu'acteur, il est dans Land of the Dead de Romero, où il joue l'antagoniste humain. Enfin, d'ailleurs, c'est plus les humains que les zombies, les antagonistes dans Land of the Dead, de toute façon. Très très bon, Land of the Dead. Ouais, et très chouette vidéo de Fry 3000 sur ce film, qu'on vous conseille. Et il joue aussi dans Blue Velvet de David Lynch, et j'adore ce film. Ouais, et vraiment, et Dennis Hopper, vraiment, quand il est impliqué dans un truc, il joue, mais vraiment ultra bien. Ouais. C'est vraiment un bon acteur quand il est impliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, Blue Velvet, je sais que c'est lui qui avait. Lynch avait énormément de mal à trouver un acteur et Dennis Hopper a tout de suite dit dès la lecture du script qu'il voulait absolument avoir ce rôle. Ouais. Et donc on sent qu'il est méga impliqué dedans. Ouais, d'accord. Et quand il est impliqué, il est vraiment habité dans son rôle. Alors que... Le souci, c'est qu'il a beaucoup cachetonné dans des trucs, lui aussi. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, je pense. Je sais pas trop pourquoi. Là, dans Charlie 2, dans Charlie 2, il n'en a pas grand chose à battre. Hein. Il s'en fout complètement. Quoi. Il est venu prendre son chèque et basta. En même temps, je le comprends parce que son personnage est quand même un peu nul. McDowell, c'est pareil. Ouais. Il a pris son chèque et voilà, il a fait son truc et basta. Le directeur photo, c'est David Boyd, qui est directeur photo et réalisateur aussi. Directeur photo aveugle, donc ça aide pas. Ouais, bah, les directeurs photo télévision de cette époque, c'est vraiment foufou. Hein. Il a été directeur photo sur FBI Portée Disparue et sur Firefly. Et Firefly, au moins, c'est une série plutôt bien exécutée visuellement, donc ouais. Voilà. Et en tant que réalisateur, il a travaillé sur Walking Dead, donc qui est une série pas trop mal réalisée, quoi qu'on en dise. Non, mais si, la réalisation. Ouais, propre, voilà, hein. C'est ça. Donc il est compétent ici. Ici, j'ai rien à dire. En fait, c'est juste totalement Osef. Sa photo, elle est pas ratée. Je dirais pas qu'elle est ratée. On a juste rien à faire. Ah oui, bah bon, ça résume bien Walking Dead, en fait. Ça résume bien Walking Dead aussi. C'est bien réalisé, c'est bien exécuté, mais bon, bah, il se passe pas grand-chose, quoi, le rythme est tout pété. Et c'est la même chose pour la musique de Randy Miller, qui a travaillé beaucoup sur des documentaires. Sinon, le seul autre truc que je connais sur lequel il est bossé, c'est Hellraiser 3. Et globalement, j'ai rien retenu de sa musique, en fait. Elle est totalement anonyme. Ouais. Donc, voilà. Le film actuellement, il a 39% sur Rotten Tomatoes. C'est pas le pourcentage de fraîcheur parce qu'il n'y a pas assez de critiques. Ce qui le place 19e dans notre classement, enfin dans le classement, et 2,7 étoiles sur Allociné, ce qui le place 16e à égalité avec Les Démons du Maïs 4 et Cujo, qui est vraiment très bas. Le principal reproche qui est fait, c'est que le téléfilm en fait n'a rien à raconter de nouveau, qu'il dure très longtemps avec des scènes d'action qui s'éternisent et qui sont pas très bien faites, et certaines critiques lui ont aussi reproché, et là je comprends pas, sa violence. Ah bon ? Mais globalement, ce qui revient beaucoup, voilà, faut replacer à l'époque, on est en 2001, quoi. Voilà, beaucoup disent juste qu'en fait, on s'en fiche, il apporte rien à la mythologie Charlie. Oui. King, je pense que ça fait partie des nombreux trucs dont il n'a jamais entendu parler. Je pense qu'il s'en tape complètement. Et je pense qu'il s'en tape, à juste titre. Vous avez vu son visage ? Elle ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Je vous avais dit que c'était pas joli. J'ai connu deux personnes qui ont participé au test. C'est vrai ? Lesquelles ? Ils ne sont pas sur votre liste. Je suis désolé. Pour moi, ce sont tous des anonymes. Je voulais les aider pour qu'ils s'en sortent, les faire soigner, trouver un remède. Alors c'est pour ça que vous vouliez les dossiers ? Comment voulez-vous trouver un remède ? Vous croyez peut-être que c'est en ouvrant des dossiers et en trouvant de la kryptonite rouge ? De la kryptonite rouge ? La kryptonite verte tue Superman, mais la kryptonite rouge lui retire ses pouvoirs. C'est plutôt la kryptonite dorée, parce que la kryptonite rouge peut à elle seule couper en deux Superman et le faire retourner à l'état de bébé. Vous aimez Superman ? Je crois que j'aime mieux Batman. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que c'est un garçon ordinaire. Et qu'il a botté l'arrière-train de Superman. Et on va pouvoir passer à nos avis, même si on a déjà commencé. Je t'en prie. Putain, c'était nul. Est-ce que tu pourrais me rendre les 3 heures de ma vie que j'ai perdues ? Allez, 2h41, allez. Je commence à te devoir beaucoup d'heures, hein, entre tous les abus, tous les trucs qu'on a vus. C'était nul. Et pourtant, vraiment, pourtant, Charlie, je pense que c'est, pour l'instant, de tous les romans de King qu'on a abordés, c'est celui qui se prêterait le mieux à une série télé qui ferait suite à l'intrigue principale. Bah oui, parce que c'est une pure super-héroïne. Voilà. Et genre, elle pourrait partir à la recherche d'autres personnes qui auraient subi des expériences du shop, qui devient le labo, du coup, dans ce style film-là. Voilà, c'est celui qui se porte le mieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un truc, mais inutile. Pourquoi Ringbird a survécu ? Pourquoi il a juste survécu avec une partie de la gueule enflammée ? Voilà, pourquoi il ne ressemble plus du tout à un Indien ? Déjà, je comprends pas. Oui. Déjà, pourquoi ? Après, dans ce sens, on n'a pas précisé, Rainbird a des origines indiennes et ça explique tout son délire autour de Charlie, du mysticisme, voilà. C'est très présent dans le roman. Et c'est même présent dans le film. Oui. C'est quand même plus présent, même si bon, physiquement, ils ont pris un acteur dans le film, qui bon, on sent qu'il n'est pas indien, mais quand même, ça pourrait passer. Ouais, ça peut faire illusion. Ça peut faire illusion, alors que là, mais pas du tout quoi. Oui, non, là, Malcolm McDowell, pas du tout. Et vraiment, le souci de cette suite série télé, c'est que on sait pas en fait ce qu'elle veut faire, on sait pas si elle veut faire une suite au roman, faire une suite au film, ou faire une suite à de sa propre mythologie qu'elle nous a jamais racontée avant en fait. Ouais, il y a des flashbacks extrêmement fauchés, un peu tristes, achetez les droits de l'original et mettez des extraits de l'original, qui avait déjà pas un budget foufou mais qui était quand même mieux que ça quoi. Non, mais pire plus, des flashbacks qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, que ce soit dans le roman ou dans le film d'avant. Ouais. Genre, à un moment, ils se font quand même attaquer par le labo dans une espèce de ferme, et c'est comme ça que la mère se fait tuer. Mais quoi ? Ça n'a rien à voir ! La mort de Rainbird, enfin, la mort, la oui, oui. Blessure de Rainbird est très différente aussi de ce qu'elle est dans le livre. C'est dans le labo ? Ouais. Juste après qu'il ait tué le père ? Non. Du coup, Cap, on sait pas. Parce que. En plus, Rainbird semble tenir le rôle de Cap et des scientifiques en plus de son propre rôle à lui. Bah oui, vu qu'ils ont voulu faire des flashbacks rapides, ils ont tout condensé. Ça n'a ni queue ni tête, quoi. Enfin, donc, les nouveaux gamins présentés, on n'arrive pas à savoir. Alors, autant il y en a un qui est clairement psychopathe, autant ouais. Les autres, on n'arrive pas à savoir s'ils sont méchants, s'ils sont juste manipulés, s'il y en a qui veulent changer. Ah non, ça marche pas. Ah oui, non, ça marche pas. Et puis ça marche d'autant plus que ça sert à rien de montrer 5-6 gamins pour au final en montrer que 3 oui. Qui ont des pouvoirs quoi. Parce que les autres, on sait pas quoi. Il y en a un, il manipule les gens, l'autre il absorbe l'énergie vitale des gens. Donc c'est le psychopathe ça. Ouais. Il y en a un qui semble. Qui contrôle les objets autour de soi. Ouais, il y en a un qui lit le futur. Ouais, voilà, c'est le petit aveugle. Ouais, c'est le petit aveugle. Il y a celui qui qui est l'équivalent d'un X-Men, celui qui crie. Ah oui, oui. Je sais plus le nom du X-Men qui. C'est le hurleur, tout simplement. Le hurleur. Ouais, qui a ce pouvoir-là aussi, on est d'accord. Ouais, ouais, exactement. Donc ouais, c'est. C'est fauché. Toute cette mythologie qu'ils essaient d'installer, elle marche pas parce que on comprend pas ces gamins comment ça fonctionne en fait, tout bêtement. Ouais. Et puis en plus, ça sert à rien vu que le problème est réglé à la fin des deux téléfilms. Vu que Rainbird, le bute, les gamins, ils se barrent. Voilà. Ouais, on pourrait se dire qu'ils pourraient revenir pour une partie, mais on sait pas trop. Contre, ça a l'honnêteté de pas se terminer sur une porte grande ouverte. Ouais. Ça se termine. C'est voilà. Ça. Le personnage de Dennis Hopper, il tombe dans le piège habituel des personnages où on joue sur la réalité, c'est il voit le futur, et du coup il y a un côté prophétie autoréalisatrice, il se dit qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a qu'une direction dans laquelle aller. C'est toujours un peu un piège en fait, avec les personnages qui voient tout le futur. c'est comment tu les gères, en fait. Bah, la c'est... mal. Oui. C'est pour prendre un comparatif, parce que, alors, petite digression, c'est un film que je n'avais jamais vu, j'ai vu Minority Report. Ah, d'accord. Jour. Et bah, du coup, le dernier Spielberg que j'aime, c'est Minority Report, maintenant, parce que je l'ai trouvé vraiment très très, ouais, très, très bien. Et là, le côté futuriste est vachement bien géré, parce que du coup, on voit une partie du futur, mais il y a une enquête qui est nécessaire. Et tandis qu'avec le personnage de Dennis Hopper, il voit tout. Donc il n'y a qu'une direction à laquelle aller. Comment gérer ça, c'est... En fait, tu te dis qu'à ce moment-là, est-ce qu'il est vraiment méchant? Parce que ça veut dire qu'il a aussi vu que Charlie allait s'en sortir. Je comprends pas, en fait. Ouais. Bah, son personnage n'a vraiment aucun intérêt. Oui, c'est ça. Ce personnage n'apporte rien. Et tu le supprimes du script, c'est exactement la même histoire. Enfin, si, il y a juste le passage où à la fin, bah, c'est lui qui les intercepte en bagnole. Ouais, mais bon, il y aurait eu plein d'autres moyens d'amener ça, quoi. Oui, voilà, bah, des gens qui passent par là en voiture, basta, quoi. Mmh. Voilà. Les effets spéciaux sont calamiteux. Ouais. Et genre, là encore, à la limite, tu vois, on pouvait un petit peu discuter pour les Langoliers, c'était le début des années 90. Non, là on est au début des années 2000, c'est calamiteux. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment dégueu, ouais. Là vraiment, années 2000, et on est au niveau des Langoliers. Ah, et tu sais que la photographie et la réalisation soient d'une banalité totale, ça aide pas, quoi. Bah non. Bah déjà que la photo, quand c'est les flashbacks, ils prennent une espèce de grain ou de colorimétrie dégueulasse. Ouais. Déjà, le tout premier flashback. C'était la mode à l'époque. Le tout premier flashback, avec la mort de la mère, la colorimétrie, elle change à chaque plan. Ah oui, non, mais. À un moment, t'es en couleur, à un moment, t'es en noir et blanc, à un moment, c'est bleuté, à un moment, c'est vert, mais tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? La télé est déréglée. Qui s'est caché sur mon écran? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et après, tu comprends que tu regardes Charlie 2, tu fais, ah, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Le titre qui s'inscrit d'ailleurs dans mon souvenir dans Derrière les flammes, oui. Très moche. Très très laide. Et voilà, et puis bah, tout ce qui se passe en 2h41, ça aurait pu être expédié en 1h30. Ah oui, parce que ça s'éternise. Hein. C'est long. Après, c'est long format télé, quoi, donc bah voilà, mais ça n'excuse rien, quoi. Au bout d'un moment, faites des trucs dans vos séries télé, les gars. Le fait qu'il y a une des victimes, des tueurs qui survivent. C'est les tueurs de la CIA, les mecs. Enfin, de la boîte. Non, mais elle a arrêté son cœur. Ouais, enfin... Non, je pense que les mecs, ils brisent le coup pour s'assurer que le travail est bien fait, en réalité. Je sais pas, ils ont des formations, normalement. Enfin, bah, après, il se fait tuer par les gamins comme une merde, donc... Ouais, c'est pas fou. Hein. Donc voilà. C'est Rainbird, bah, on comprend pas ses intentions, je trouve, hein, dans cette suite, c'est... Et là... Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Et on comprend pas ses intentions. Et là, ça devient glauque. Parce que là, maintenant, Charlie, il l'aime d'un amour véritable. Ah oui, là, c'est beaucoup plus sexualisé, oui. Voilà, c'est pas du tout la même raison que dans le roman et dans le film. Parce que dans le film, le premier film, respecte le Rainbird du roman. C'est-à-dire, il l'aime pour la tuer. Oui. Il l'aime dans un sens où il fantasme de tuer quelqu'un de puissant. Oui, c'est ça. Là, non. Dans le téléfilm, ça devient glauque. Parce qu'en plus... qu'il l'aime véritablement, bah McDowell il fait vieux. Et vraiment. Ah bah oui, en même temps, à l'époque il devait avoir 60-70 ans. Hein, McDowell. Vois, en fait, c'est limite si l'écart d'âge entre le Rainbird et la Charlie de ce téléfilm-là est limite plus grand que celui entre le Rainbird et la Charlie du film. Alors que déjà, l'acteur qu'ils ont pris pour Rainbird dans le film, il doit avoir une bonne cinquantaine d'années oui, passées. Oui, je pense. Mais vraiment, McDowell, des fois, t'as l'impression qu'il a 80 ans, quoi, c'est quoi ça? Et puis, bon, on va pas parler de sa prothèse de brûlé, qui des fois c'est grand brûlé, des fois c'est « oh, ça va ». Ça aussi, c'est magnifique. Je pense que c'est aussi lié à la photographie et à l'éclairage, parce que je pense qu'ils utilisent la même prothèse, grosso modo, à chaque fois, ou alors ils sont cons. Ouais. Voilà, ça n'a aucun intérêt, quoi. Vraiment. Il y a des trucs aussi qui vont pas du tout, c'est quand la première scène où on voit que Charlie a tendance à déclencher ses pouvoirs quand elle est excitée, ouais. Elle est avec un mec dans une ruelle, et elle s'enfuit précipitamment, et elle déclenche mais un armageddon dans la ruelle, mais le mec il est à 50 mètres en fait, il entend qu'il y a des trucs en train de cramer, en train d'exploser, ça a l'air d'être un quartier quand même habité, donc il y a des gens qui sont en train de crever chez eux. Et puis en plus, surtout, genre, après ça, elle sort de la ruelle dans un plan qui se veut un peu classe, genre, waouh, regardez... Non, non, c'est nul. Parce qu'en soi, la thématique de... Mais déjà, ce serait plutôt venu pendant la puberté, a priori, oui. Ces problèmes-là autour de la découverte du feu. C'est un mélange de Charlie et de Carrie, en fait, dans l'idée. Oui, parce que normalement, c'est 20 ans après. Un peu moins, je pense qu'elle a 25 ans à peu près dans le téléfilm, donc une quinzaine d'années après. 25 ans, ta sexualité, elle est déjà épanouie. Elle est déjà découverte, en tout cas. Oui, c'est ça, découverte. Ouais. Elle est déjà découverte, peut-être pas épanouie, mais au moins découverte, quoi. Vraiment, la découverte de la sexualité, c'est plutôt aux alentours de 14-15 ans, quoi. Ouais, bah avec la puberté, c'est ça. Tout. Ouais, donc, après, ça dépend de la personne, mais en général, c'est plutôt... On va prendre une fourchette large, c'est entre 10 et 20 ans, quoi. C'est pas entre 20 et 30 ans. Bon, normalement. Ouais, donc c'est... Bah en fait, le personnage est pas crédible, au final, il tient pas la route. Bah puis même, ça fait même son pote... L'agent gouvernemental, là, le mec, il est con comme une bite, on lui fait croire qu'il cherche des gens pour qu'il touche une assurance, là. Et ouais. Oh là là, mais lui aussi, là. Il est simplé. Putain, ouais. C'est quoi ce personnage stupide, quoi, mais putain. Lui, il est tellement bête qu'à la fin, t'es content qu'il meure, quoi. Non, c'est ça, il doit y avoir des articles sur... Il en a déjà retrouvé un paquet, apparemment, donc il devrait y avoir des articles. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi passer par quelqu'un qui n'est pas dans le secret pour faire ses recherches. C'est déjà ça n'a pas de sens, en fait. Bah surtout pour une organisation ultra secrète, quoi. Bah c'est ça, la boîte elle doit avoir des gens capables de faire des recherches. Surtout dans les années 2000, c'était l'époque où... peut-être pas encore trop. Il n'y avait pas encore eu le 11 septembre, hein, donc c'est peut-être après que l'Amérique a viré parano autour de la surveillance aussi. Ah oh, ouais, mais la surveillance, il y avait eu l'affaire Nixon déjà des années avant... Au niveau des agences secrètes, il y a toujours eu une petite parano. Tu vois, t'as Nixon, t'avais la guerre froide, tout ça, quoi. Donc, t'as pas tort. Niveau gouvernemental, c'est les gens, surtout, qui ont commencé à devenir parano. Mais une agence gouvernementale, le gouvernement lui-même l'a toujours été. Ouais. Oui, mais après, justement, les gens... ouais. Bah ouais. Et ils m'ont administré le Lot 6. Aujourd'hui, je peux tout voir. Je peux voir le passé, je peux voir le présent, je peux voir l'avenir. Je vois tout. Tout et rapidement. Nous devons partir. Comment ? Il faut s'en aller maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils vous recherchent et que dans moins d'une minute, ils vont franchir ces portes. Mais je ne pars pas avec vous. Oui, ça c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que vous ferez. Pourquoi aurais-je confiance en vous ? Comme vous voudrez. Restez encore une minute, vous verrez ce qui arrivera. J'allais vérifier la date d'un film qui pour moi est vraiment bon sur le côté paranoïa. Paranoïa autour de ce que pouvait faire le gouvernement en surveillance, c'est Ennemi d'État, et effectivement c'est 98 Ennemi d'État. Le film avec Will Smith ? Ouais, de Tony Scott. Qui est très très bien. Oui, surtout si vous voulez voir Will Smith dans un bon film. Oui, c'est vrai que tous les jours, c'est pas si souvent. Est-ce que tu penses qu'à chaque épisode, on se fait des ennemis ? Bon, Will Smith, les gens sont globalement d'accord pour dire que sa carrière récente, c'est pas la folie, hein, quand c'est même. C'est vrai. Mais en disant du mal de McFlanagan, de tout ça, est-ce que McFlanagan plus peut-être. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on perd en fait des spectateurs au fur et à mesure, ou est-ce qu'ils se disent ah bon, ils disent des conneries, mais je les aime bien quand même. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire ou sur Twitter. Sur Twitter, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec nous sur certains points, mais vous nous aimez bien quand même. Est-ce que ce serait pas considéré comme du syndrome de Stockholm ? Si, un peu. On peut peut-être appeler ça le syndrome de Durandal sur... Oh, ça y est ! Il y a plein de gens, c'est pour ça, qu'ils aiment bien Durandal, parce qu'il y a des avis contraires, mais qu'ils le trouvent intéressant. C'est vrai. Bref. Bon, bah, sur le téléfilm, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est assez mal branlé, on comprend pas le pourquoi du comment, les rebondissements. Bah, là où j'ai l'impression... Il y a une division vraiment en deux parties, mais là, qui est mal faite, parce qu'on a deux finales, en fait. Il y en a un premier qui vient à la moitié, avec la première incursion dans le village... Enfin, dans la ville témoin, là. Ah, c'est totalement con, ça aussi. Ouais. Où on découvre pour la première fois les pouvoirs de celui qui absorbe les sorts. Après, ça retombe pendant une heure avant un nouveau final. Donc, oui, parce qu'en fait, vu que c'est deux téléfilms mis sur la même galette, bah voilà. Fallait qu'il y ait une... Au final, le rythme long qu'on a, qu'on recense, parce qu'ils l'ont condensé en un film de 2h41. Ouais. Alors qu'en fait, c'est deux films de 1h20. Ouais. Chacun. Bon, après, on se fait chier quand même dès la première heure 20. Hein. Moi, dès les premières 20 minutes, j'avais envoyé un message pour te dire que je m'emmerdais. Donc, ouais, y a... ça n'a vraiment aucun intérêt. And I've been putting out fire with gasoline. Très bien, donc en scène, nous choisissons celle des retrouvailles entre Charlie et Rainbird, quand elle se rend compte qu'il n'est pas mort. Donc ça arrive vers 1h10, donc quand on approche de la fin de la première partie du téléfilm. Je vous ai vu mourir. Non, tu m'as vu brûler, ce qui est bien plus douloureux. N'aie pas peur, Charlie, tu es pardonné depuis longtemps déjà. Et j'espère que je le suis moi aussi. Oh. Vous avez tué mon père. À mon grand regret. C'est lui qui voulait mourir. Il m'a tendu un piège et il nous laisse en assumer tous les deux la faute. Vous déformez la vérité, vous n'avez pas du tout changé. Oh, mais si j'ai changé. J'ai cherché dans le regard de ceux qui mouraient une vérité. Quelque chose qui donne un but nouveau à cette vie. Un dieu, je suppose. Que voulez-vous de moi ? Tu dois m'aider à combler le grand vide, Charlie. Le quoi ? Le grand vide, je veux un dieu qui juge mon âme. Je veux une nature de dieu qui me tanne. Alors, je vais en créer un visionnaire dogmatique. Vous voulez créer un dieu pour être jugé ? Tu étais la première étape, mais depuis nous avons fait des progrès. Vous êtes sérieux ? Je veux que tu me reviennes. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est l'explication du plan de Rainbird. Explication très claire, hein. Ouais, tout à fait. il veut créer un dieu. Un dieu pour être jugé, il dit, mais pourquoi ? En fait, il veut mourir de la peau, de la main de Charlie. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi. Et du coup, les enfants dans tout ça, c'était des tentatives de créer d'autres dieux ? Je ne sais pas. Ça me tue le monde, toi. C'est parce qu'en même temps, les enfants essaient de tuer Charlie, ils doivent détruire une ville, mais du coup, la ville, je crois qu'ils veulent la détruire pour ramener Charlie. Non, mais déjà, on parle d'un truc où l'explication du « Ah, je ne suis pas mort », c'est juste « Ah, tu m'as pas vu mourir, tu m'as vu brûler ». Oui. Ah, d'accord, ok, bon, bah oui, d'accord. Il n'y a même pas de tentative de « Oui, mais tu m'as vu brûler, mais à ce moment-là, j'ai disparu, c'était un clone de moi ». Il n'y a même pas une tentative, tu vois. Non, c'est juste, tu m'as pas vu mourir, tu m'as vu brûler. Puis c'est pas du... Enfin, Charlie, vraiment, on insiste là-dessus, c'est pas du petit feu qu'elle fait. C'est capable de foutre le feu à, comme ça à des surfaces comme du béton ou des trucs comme ça. Alors pour le coup, c'est bien retranscrit dans ce téléfilm de merde. Oui. C'est-à-dire que la fin apocalyptique, là, tu la sens la puissance de Charlie. C'est mal fait, mais tu sens la puissance. Oui, mais tu la sentais déjà dans le film original. Oui, où elle lance des boules de feu. Hein. Ouais. Du coup, ça fait redite quand t'as dit l'original. Mais après, il faut vendre aux spectateurs l'envie de voir une série, tu vois. Oui, non, mais à la limite, oui, mais ils auraient dû faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Trouver un autre moyen d'amener les choses, je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en fait, le souci, et puis le personnage est très mal écrit aussi. Je vois bien que Rainbird soit peut-être un peu psychopathe, mais. Mais là, il est quand t'as tué le père de quelqu'un sous ses yeux quand elle était petite fille, dire « j'espère que je suis pardonné », c'est maladroit, on va dire. c'est... Moi, c'est le genre de truc, j'attends. Je m'excuse pas après, quoi. C'est pas la peine, de toute façon. Et puis je pense que quand t'es Charlie aussi, quand tu vois un mec revenir, bah, tu lui crames la gueule direct, en fait. Aussi, oui, pourquoi elle agit pas beaucoup plus rapidement hein. Mais t'attends pas. Enfin, il y a la surprise, à la limite, on peut se dire qu'elle peut attendre un peu avant d'agir, mais après, pourquoi est-ce qu'elle s'enfuit comme elle le fait alors qu'elle a deux clampins elle. On n'a pas évoqué comment elle le tue en lui roulant une grosse pelle, là. C'est dégueulasse. Ah oui, il y a vraiment une grosse sexualisation de la relation Charlie-Rainbird dans cette version. Il se trouve une galoche à la fin, c'est un peu immonde, quand même. En même temps, vu qu'on n'arrive pas à comprendre les plans de Rainbird, faut bien installer une relation. Hein. Et c'est là où, en plus, c'est à ce moment-là où on comprend que lui, il l'aime d'un amour véritable, maintenant. Mmh. Ouais. C'est un bon exemple, déjà, on vous a mis un peu plus d'une minute et c'était trop long. On sent que la conversation se traîne. Ouais. Imaginez ça en plus avec des flashbacks intercoupés, plein de trucs. D'ailleurs, il y a même des flashbacks du téléfilm à certains moments. Oui. On se croirait dans un épisode de Dragon Ball. Enfin, c'est vraiment très médiocre. Oui, oui, mais il n'y a rien pour sauver le bordel, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment une catastrophe de A à Z. Donc, on classe ça ? Bah, allons-y. Mais d'abord, on va classer le roman, d'abord. Oui, effectivement, c'est parti pour le classement. Ah. Le roman, du coup, que nous allons commencer par classer. Je vais vous donner, donc, du coup, comme d'hab, les trois premiers et les trois derniers de la liste. Au niveau des livres, nous avons en première position Cimetière, suivi de La Part des Ténèbres, puis en troisième position Dead Zone. Et nous terminons ce classement avec en 23e position L'Année du Loup-Garou, en 24e Dr Sleep et en 25e Grand Chauffeur. Alors, Charlie, comme je l'ai évoqué quand on a parlé du livre, c'est un roman que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et ça va aller très très haut. Oui, pour moi aussi. On est tous les deux d'accord, ça va forcément dans le top 10, ça va même forcément dans le top 5. Oui, clairement. Et pour moi, ça irait même peut-être dans le top 3, en fait. Ah bah, on va être d'accord. Et là, du coup, j'ai une grosse hésitation. J'ai une hésitation entre 3e, entre Dead Zone et La Part des Ténèbres, ou 2e, entre La Part des Ténèbres et Cimetière. Alors, j'hésite. Pour moi, mon avis, ça aurait été top 3 aussi, et pour moi, c'est au-dessus de La Part des Ténèbres pour le personnage de Charlie, en fait. Je la trouve vraiment adorable dans le roman. Je trouve que c'est vraiment un des personnages les mieux écrits de King. Et ouais, en fait, c'est un livre que... En fait, très vite, dans ce livre-là, je suis de tout cœur avec les personnages principaux. Mmh. Et tandis que La Part des Ténèbres... Alors, il est très... Oui, La Part des Ténèbres, il est très attachant aussi, hein, et dans Dead Zone aussi, d'ailleurs, hein, le héros est très attachant. Mais je mets peut-être un peu plus longtemps à les suivre, et ouais, Charlie, je suis encore plus avec elle dans ses difficultés, on va dire. Alors, tu vois, moi, ce qui m'a fait déjà sortir Dead Zone du choix, c'est que dans Dead Zone, il y a vraiment que le protagoniste pour lequel j'ai beaucoup d'affection, oui. Pour lequel il est très bien. Alors que dans Charlie... Autant le protagoniste et l'antagoniste sont très bien écrits, ouais. Et bien gérés. Oui, sans être de l'affection, effectivement, voilà. On va donc, déjà, rien s'intéresser que ça, à lui. Rien que pour ça, pour moi, c'est au-dessus de Dead Zone. Mmh. Et en fait, c'était ça, du coup, l'hésitation avec La Part des Ténèbres, parce que je trouve que dans La Part des Ténèbres, le plus réussi, au final, c'est plus l'antagoniste que le protagoniste. Je trouve vraiment que le côté maléfique du personnage principal... est plus réussi. C'est-à-dire, c'est vraiment une entité maléfique, vraiment, qu'on prend plaisir, en fait, à lire et à voir ce qu'il trame dans son coin. Oui. Mais du coup, le protagoniste est un peu moins bien géré, un peu moins attachant que peut être Charlie. Bah, c'est le protagoniste est finalement quelqu'un de très normal, de très neutre. Mmh. Jusqu'à ce que, pour bien contraster avec l'antagoniste, c'est un chouette perso quand même. Hein, mais du coup, oui, je serais plutôt d'accord pour finalement mettre Charlie en deuxième position. Ouais, de toute façon, c'était l'hésitation, c'était soit troisième, soit deuxième. Mais oui... Et rythmiquement, je le trouve encore mieux, Charlie, aussi. Ouais, clairement, mais il n'y a aucun temps mort. Hein. Ouais. Dans Charlie, je trouve même que niveau temps mort, c'est même encore mieux maîtrisé que dans Cimetière. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans Cimetière, les temps morts. Mais je sais pas, dans Cimetière, il y a vraiment une véritable ambiance que pour le coup, il n'y a pas dans Charlie. Ouais, bah Cimetière, il y a l'ambiance. Cimetière, il est vraiment terrifiant pour le voilà. coup. Et dans Cimetière, il y a aussi les thématiques autour de la mort qui sont quand même vraiment fortes. Mais donc, oui, Charlie, deuxième position. Et du coup, qui malheureusement, pour ce très cher Cronenberg qu'on aime de tout notre cœur tous les deux. Elle sort du trio de tête. Bon, après, c'est le livre qui sort du trio de tête, pas le film. Ah, oui, même vrai. Si le film est déjà sorti, en fait, du trio de tête. Ah, oui, le film est déjà sorti. Ouais. Tristesse. Donc nous avons donc maintenant Cimetière toujours en premier, Charlie en seconde position et La Part des Ténèbres en troisième. Et ça faisait longtemps que ce trio de tête n'avait pas été bouleversé. Ouais, effectivement, et c'est, ça montre quand même que King, il était vraiment en super forme à l'époque, parce que mis à part... on est après Le Fléau. Cimetière, Charlie, Dead Zone et Cujo, c'est des livres qui sont assez proches hein, dans leur période d'écriture. Ouais. C'est même Charlie, Dead Zone, Charlie et Cujo, il les enchaîne. Et Cimetière, c'est, je crois qu'il l'écrit à la même époque, même s'il est publié un peu plus tard. Il avait le mojo, comme on dit. Ouais, là c'est. Du coup, passons au classement des films. Où lui, au lieu de regarder le classement, on va regarder le bas. Alors, on va commencer par rappeler quand même ce qu'on a en trio de tête et en trio de queue. Donc, les films, on en a plus, hein, parce que les livres, en comptant Charlie, on en est à 26. Les films, on en a déjà 33 sans compter Charlie. Alors, en trio de tête dans les films, on a Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap. Et donc, comme on le disait, Cronenberg est déjà sorti du trio de tête parce que Dead Zone est quatrième. Ah ouais, ouais. Et aux trois dernières places, on a Le Fléau de Mick Garris, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham et Doctor Sleep de Mike Flanagan, à la 33e place, donc... Et bon, effectivement, cette suite à Charlie, on se fait bien chier quand même. Ouais. On se fait bien chier. Franchement, moi, ça va aller dans cette zone de trucs chiant, mais pas encore détestable. Donc, c'est au-dessus de Jesse. Ouais. Faut pas déconner, parce que là, c'est vraiment les films qui ont été douloureux à regarder à partir de Jesse, pour moi. Ouais. Mais en même temps, pas non plus au-dessus des Démons du Maïs 4, qui est 25e, parce que les Démons du Maïs 4, il y a 2-3 trucs rares, mais 2-3 trucs que j'arrive à trouver fun. Les Démons du Maïs 4, c'est celui avec... avec le brancard des Cooper. Ouais, c'est ça, et même tout ce qui est autour du mercure, ça fait 2-3 effets gore sympas. Ouais, effectivement, ouais. Les débuts de l'épidémie, il y a des moments qui marchent. Ouais, bah du coup, entre... Et il y a Naomi Watts en plus dedans. Oui, c'est vrai. Entre les Démons du Maïs 4 et Des Tours Mortels. Tu le mets au-dessus de Des Tours Mortels, toi? Des Tours Mortels, c'est lequel déjà? C'est l'adaptation de Grand Chauffeur, ouais. Ah. Déjà, Des Tours Mortels, je trouve ça haut déjà de base. Je sais pas pourquoi il est là. Parce qu'on se fait. Oui, il y a le problème du message, mais on se fait moins chier que dans Trucks. Je crois que c'est ce qui nous avait poussé à le mettre là. Ouais, c'est vrai. Et franchement, je me fais quand même moins chier devant Des Tours Mortels que devant Charlie 2, mais après, il y a le message. Ouais, faut voilà. Bien comprendre. Bon, tranche, je m'en fous. Mais bon, comme il y a aussi la relation Charlie-Rainburn qui est dégueulasse. Ah, voilà, c'est ça. Donc, tranche, dis-moi. Franchement, je vais le mettre en dessous. On va dire que ce qui me fait trancher, c'est aussi la photographie. Parce que dans Des Tours Mortels, il y a vraiment des beaux trucs quand même. Ça va couper, chérie. Il y a une réalisation propre, je trouve, dans Des Tours Mortels qu'il n'y a pas dans Charlie. Ouais. Enfin, dans Charlie, il n'y a rien. Donc, Ouais. Donc, ça, les deux, c'est plutôt de la merde. Hein, donc, on l'a pas évoqué, mais tout le monde a l'air de se faire chier quand même dans ce téléfilm. Oui, bah à part Marguerite Moreau, qui est un peu impliquée, j'ai l'impression, et je suis désolé pour elle, hein, mais ça aurait pu lancer sa carrière. Oui, bah oui, c'est normal qu'elle ait impliqué. C'était possiblement plusieurs années de chèques quotidiens qui tombent, quoi. Bah c'est ça, donc je suis un peu désolé pour elle, mais c'est de la merde. Y a pas d'autre mot. Voilà. La tranche, mon ami. Bon, ce sera à la 27e place, juste en dessous de Des Tours Mortels. Est-ce que tu préférerais même pas regarder Trucks? Juste pour le camion, pour le petit camion téléguidé qui explose la gueule du facteur. Et pour les silhouettes, et les costumes. Les costumes qui butent à la hache. Oh, t'as pas tort. Hein. Franchement, je crois que ouais. Mais juste pour ces deux scènes-là, quoi. Ouais, ok. Parce que après, oui, vraiment, à partir du Démon du Maïs, c'est le fond du fond. Ouais, les Démons du Maïs, non, là, c'est pour moi, il y a... Voilà. Trucks, il a ces deux scènes nanardisantes qui peuvent être rigolotes. Voilà. Et ouais, moi, ça dure qu'une heure et demie. En dessous de Trucks. Je pense que cette voiture téléguidée va sauver Trucks de beaucoup de situations. Bah, c'est vrai que ça fait la différence, hein. C'est deux scènes de Trucks qui fonctionnent, c'est deux scènes dans un océan d'osafitude, mais voilà, ça... Comme on va devoir séparer des trucs pas terribles... C'est ça. Là, Faudra qu'on se souvienne de ces scènes-là. Et autant dire que dans Charlie 2, on ne se souviendra d'aucune scène. Voilà. Ah oui, non, mais c'est ça, Charlie 2, franchement, on avait déjà du mal à se rappeler de certains trucs, on a coupé les pauses, mais il y a des trucs, on avait du mal à s'en rappeler. Moi, ça va faire 3 semaines que je l'ai vu, Chris, c'était hier. Oui, voilà. C'est dans un mois, Charlie 2, sans réécouter le podcast, on n'en retient rien, je crois. Bah, mis à part les qu'il y a des spéciaux dégueulasses, quoi, c'est tout. Hein. Bon, bah, voilà, et on va passer au tirage au sort des 2 prochains épisodes. Clairement, le meilleur passage de ce podcast-là. Jusqu'à ce qu'on se rende compte de ce qu'on tire. Avec le moment où on parlait du livre. Voilà. Il me semble que cette semaine, c'est... Enfin, cette fois-ci, c'est à moi de tirer en premier. C'est ça. Hop. Suspense. Je gratte, je regarde Issam pour lui montrer que je ne regarde pas dans le chapeau. Ah, et je te fais confiance. Je vais en prendre un là, dans ce coin-là. Tac. Je te rends le chapeau. Alors, est-ce qu'il faut... Ah oui, il faut que je révèle direct, on est d'accord. Oui, oui. Ah, ça va être bien. Ah oui. Est-ce qu'on va parler de John Carpenter? Christine? Et on va parler de Christine. Ah, cool. Ah. Ah, trop cool. Voilà. Ouais. Enfin, un bon roman et un bon film. Eh ben putain. Et c'est le prénom de ma mère. Ah. Ta mère est une voiture? Je comprends pas. Ah, du coup, tu t'appelles pas Issan, tu t'appelles Nissan. C'est ça. Ah. Oh, cette blague. Oui, c'est pas la meilleure. Ah, bon. Et donc, j'ai pioché à mon tour. Alors, j'ai bien tiré, du coup. Est-ce que Issam a eu une bonne main ou pas? Alors, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu. Ah. Mais c'est l'adaptation d'un bon livre, en tout cas. Ah. C'est La peau sur les os de Tom Holland. D'accord. Donc, dont on va reparler de Tom Holland pas longtemps après avoir fait Les Langoliers. Du coup, effectivement, nous avons tous les deux lu le livre, et nous n'avons tous les deux pas vu le film. Oui, et c'est, précisément, c'est notre premier Bachman, du coup. Oui. Parce que La peau sur les os a été écrite sous son pseudonyme. Alors déjà, on est content parce qu'on va parler de deux bons films à la suite. De deux bons livres à la suite, en tout cas. Oui, c'est les livres, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le film, bah, un très bon film, très et bon l'autre, film. On verra bien, mais... Bon, je fais un peu confiance à Tom Holland, quand même, moi. Oui. Oui, quand même. Oui. Il a pas été. C'est loin d'être un mauvais réalisateur. Hein. Bah oui, c'est ça. Ah. Même Les Langoliers, hein, il est pas si mal placé quand même. Chucky, Les Langoliers, Vampire où ils avaient dit Vampire, voilà. Bon bah voilà, on va remonter, c'est pas mal ça aussi des fois. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augradébule pour moi. Ouais, sur Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver dans 2 autres podcasts, La Guerre des Claps et Casse sur Table, le premier consacré au cinéma, le deuxième aux comics, manga, BD. On essaye de revenir dans les prochains mois, là, vraiment. Ouais, il faut qu'on redéfinisse le format pour Casse sur Table, comme on l'avait dit, mais ouais. Qu'on reparte bien sur le bon pied. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on mettra le lien dans la description. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour Christine, le livre et le film de Carpenter. Duo Carpenter, quoi. Voilà. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.